Alors, il y a le prochain intervenant qui va arriver. Qui est déjà là. C'est Romain qui vient nous parler du langage et des structures géopolitiques ou de la virtualité et la réalité. Ouais. Bon, je vais redéfinir un petit peu le sujet. Ce que je venais vous parler, donc, c'est en effet des analogies entre la création des langages et du coup les répercussions que ça peut avoir sur les organisations humaines, sur comment et pourquoi surtout créer les langages, qu'est-ce qui les structure et du coup les incidences qu'il peut y avoir derrière sur les organisations à différentes échelles. J'ai préparé juste pour le début, histoire d'avoir un peu... Donc voilà, les évolutions structurelles des langages marquent des ères franches dans l'histoire des organisations humaines. Si je viens vous parler de la création des langages, de leur nature et des répercussions sur nos façons de nous organiser, c'est parce que je pense qu'on est en train de passer dans une nouvelle ère qui a vu le jour dans les années... où la conception, en tout cas, de cette ère a vu le jour au début des années 60 et qui a vu son essor au début des années 80. On est en train de prendre conscience justement des répercussions structurelles de cette révolution qui est à l'heure actuelle peu connue au niveau des langages. Cette ère, c'est la langage des langages dits orientés objets. Alors orientés objets, peut-être que ça ne parle pas beaucoup, j'imagine. C'est une révolution transparente qui est pourtant le lien entre les générations X, Y et Z. Les générations X, Y et Z, ça tombe bien parce que c'était la fin de l'alphabet, il fallait recréer quelque chose d'autre, ont un lien donc commun qui est l'informatique et les langages issus de l'informatique, et plus particulièrement donc des langages orientés objets, parce que ça nous a fait changer de paradigme structurel au niveau des langages. Jusqu'ici, tous les langages étaient basés par rapport à la linéarité du temps. À partir du moment où on raconte une histoire, quand on décrit notre pensée, on part toujours d'un début par rapport au temps et on remonte le temps, même si on peut faire des alinéas. Le curseur structurel de la narration est le temps. Au départ, tout simplement, hein, ça part toujours, toute création d'un langage, part d'un besoin. Le besoin au départ animal, tout bêtement, qui est, enfin, on va pas refaire toute l'histoire en partant de la préhistoire, mais tout simplement, les gens, quand il y avait des gnous à côté et qu'il fallait aller se coordonner pour aller chercher le gnou, on s'est dit, bah tiens, on va le dessiner et du coup, on va pouvoir montrer le gnou, et du coup, là, on a créé un langage qui nous permet tout simplement d'organiser humainement nos actions. Et puis depuis la nuit des temps, les dessins sont organisés, alors soit de gauche à droite, soit de droite à gauche, mais la lecture s'est faite spatialement ordonnée par rapport au temps. Alors il y a des tonnes et des tonnes de langages, hein, ceux en tout cas qui décrivent la pensée et qui, il y a des langages structurants, type par exemple le langage du code de la route, où là on n'est pas sur du langage linéaire, mais c'est un langage aussi, si jamais on n'a qu'un seul klaxon, qu'en plus il est agressif, ça va préconditionner l'attitude et l'organisation des gens dans leur voiture. Là au niveau de la révolution que là j'essaye de vous décrire, c'est que on vient de casser dans la retranscription du langage et de la pensée au début des années 80 avec les langages orientés objets. Pour vous expliquer un petit peu ce que ça donne, alors déjà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aussi je suis là avant. Donc je suis intervenant aussi dans les langages de programmation depuis pas mal de temps. Et il y a un truc bête, c'est que j'ai vu énormément de gens, surtout que je le fais en général en école d'art, avec les gens qui se barrent les yeux en disant non non c'est pas pour moi, je suis pas assez intelligent ou ça m'intéresse pas ou en tout cas je suis pas capable de. Il s'avère que en général ça se passe plus que bien et que les gens en redemandent derrière parce que bah, justement les langages, qu'ils soient informatiques ou autres, nous permettent de nous exprimer et de créer des outils. Et ça, c'est universel, c'est pas une histoire de geek. Je suis désolé si c'est pas hyper structuré. Donc, pour vous faire, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que les langages orientés objets, je vais vous raconter une petite histoire. Imaginons, on a créé une moto. Donc, on va décrire le principe du langage, c'est de décrire ce qu'on voit hein, majoritairement. Et donc une moto elle est constituée de plein d'objets. Dans cet objet il y a l'objet carrosserie, il y a l'objet moteur, il y a l'objet roue, tout ça en fait c'est des idées, c'est des concepts, mais chaque concept qui pourrait se décrire linéairement comme dans le dictionnaire, une roue on sait ce que c'est, on peut la décrire de manière linéaire, on va arriver à l'écrou par exemple qui donc un des objets constituants du moteur, par exemple. Dans cet objet vis, on a la longueur de la vis, le type de filetage, etc. Si on se focus, par exemple, sur le type de filetage, on va avoir, selon si le filetage est fin, il y aura peu de jeu, mais par contre, la résistance à la température va être moindre. Parce qu'il va y avoir plus de facilité en tout cas à faire communiquer la température. Et là on arrive, au lieu de décrire du coup des objets physiques, on arrive à des concepts virtuels, et du coup en fait ce qui est intéressant c'est que dans la philosophie objet on a on va caractériser chaque objet par des attributs, donc des caractéristiques de chaque idée. Et admettons, on va se faire ça pour un bateau à côté. Et l'idée, en fait, c'est que le fait de capitaliser la pensée de manière structurée, de manière orientée objet, ça nous permet à la fin de demander au programme « Je veux une moto qui va sur l'eau ». Et du coup, il va choisir par lui-même, en manipulant tous ces concepts, avec des héritages. Je suis désolé si je suis pas hyper explicite, mais il y a le débat après, on va pouvoir en discuter. Il va pouvoir réfléchir à notre place et choisir les pièces et les assemblages faits pour créer cette fameuse moto qui va sur l'eau. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, donc l'essor que je vous parlais au début des années 80, on est passé par exemple du C au C++, qui est donc un langage qui était linéaire au niveau du temps, qu'on appelle procédural. Donc tout simplement, c'est une succion avec des conditions, à la philosophie objet qui, pour le coup, excusez-moi, du coup j'ai perdu le fil. Qui est le même langage, le C et le C++, donc le plus qui a été rajouté sur le C au début des années 80, c'est le même langage. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi on l'a amené au plus alors que ça s'écrit de la même manière? Parce que ce qui a changé justement, c'est la manière d'organiser le langage. Donc en fait, cet aspect structurant du langage a changé nos manières de programmer les outils et derrière du coup a engendré énormément de choses que vous connaissez au quotidien même si vous savez pas programmer. Je sais pas si ça vous parle, par exemple les mind maps, les organigrammes, le fait de visualiser la pensée avec des connexions entre les idées, ça c'est la représentation graphique de la philosophie objet. Il y a structurellement Internet en termes de structure est un héritage direct aussi de cette manière de transposer la pensée. Et toutes ces histoires de clients, serveurs, et même les noms de domaine, enfin, énormément, enfin, tout ce qui est au niveau de nos réseaux, c'est un héritage structurel de cette révolution qu'il y a eu au début des années 80. Entre eux, alors c'est comme tout langage, entre les gens qui apprennent le langage et les gens qui ont une répercussion par rapport à l'instruction d'autres personnes, parce que ces autres personnes ont créé des outils qu'ils utilisent eux-mêmes, chacun, conscient ou non, structure sa pensée différemment qu'avant les années 80. Parce que ben, quand on utilise les applications, quand on utilise, et même dans le, au niveau industriel, jusqu'ici le Fordisme était l'illustration pure de la linéarité du langage. On partait d'un point A et on découpait les tâches sous forme procédurale et pour arriver à un point B qui était toujours le même. Et ça, c'est vraiment aussi un héritage direct du coup de la révolution, de l'ère d'avant en termes de structure de langage, dû à la linéarité de la description de notre pensée. Là, typiquement, maintenant, on arrive, si on veut une chaussure ou n'importe quoi, sur Internet, on peut choisir la couleur, on peut choisir la forme, etc. Et là, du coup, les chaînes de fabrication ne sont plus linéaires, puisque on intègre l'utilisateur, donc comme créateur de la chaîne de fabrication. Donc ça, typiquement, c'est un changement de paradigme qui est fondamental. Et que tout le monde utilise, conscient ou inconscient, de l'héritage de d'où ça vient. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose qu'on appréhende en permanence. Ce que j'ai trouvé intéressant, et c'est aussi pour ça que je viens en parler ici, c'est qu'au niveau des Nuits Debout, on cherche des nouveaux modèles d'organisation, des nouveaux modèles de démocratie, des nouveaux modèles globalement de répartition même des richesses, etc. Et on parle, comment dire, au niveau des langages, la monnaie par exemple est un langage et qui nous permet de communiquer, voilà. Et on parle très très peu en fait de la création de la monnaie. Alors c'est cool, à Nuit Debout on commence à en parler et c'est très très bien. Mais comment ? De quoi la monnaie ? Ah, la monnaie ne peut pas disparaître, par contre cette monnaie structurante de dette peut disparaître. Mais... Oui, oui, complètement. Mais après ça, justement, c'est la suite de ce que j'aimerais dire par rapport entre la virtualité et la réalité. Mais alors attendez. Ouais, par rapport à la monnaie, typiquement, et de manière générale, au niveau des arts, on a toujours beaucoup en tout cas posé les sciences. Et les arts, comme si le niveau de compréhension tuait le romantisme de l'existence. Et c'est vrai que comprendre l'étymologie des mots, au bout du compte, génère aussi une magie à part entière pour pouvoir s'exprimer encore mieux et de manière plus subtile. La compréhension du langage en elle-même, alors n'empêche pas, voire même au contraire, permet énormément de rhétorique artistique derrière. Mais entre les personnes qui créent les outils artistiques et les gens qui les utilisent, paradoxalement, en général, les artistes, faut surtout pas qu'ils comprennent comment marchent leurs outils, parce que c'est des artistes, il faut être purement au feeling. Alors, c'est une généralité, hein, mais c'est vrai qu'il y a une petite tendance comme ça de la magie de l'ignorance, quoi. Par peur, on dirait que si jamais on comprend, on va plus être humain. Et du coup, tous ces aspects structurants des outils et chaque outil a son langage, hein, donc tout se recoupe. Voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément par rapport du coup à cette ère là maintenant de la vas-y en fait tout à l'heure tu viens de dire ouais si on comprend on on va plus être humain. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah en fait, ce truc de comment dire il y a une extrapolation de, enfin, c'est un peu comme le maçon et l'architecte, quoi. Pour juste donner un exemple, il y en a plein, hein, mais en gros, le maçon, même si jamais il est capable de faire sa maison, ça sera une maison de maçon, quoi. L'architecte, lui, il va arriver, il va générer de la rhétorique parce que il sait pas faire, il le fait faire par quelqu'un d'autre, mais ça veut dire que derrière, il a une noblesse d'esprit qui va plus loin. Et il y a un truc comme ça de à partir du moment où c'est pas moi qui fais, ou même à la limite mieux, à partir du moment où je sais pas faire, ça veut dire que je suis à un stade au-dessus d'extrapolation qui est plus louable et plus romantique. Oui, alors justement, ça c'est hyper intéressant parce que on revient vachement à ça, et là on a justement avec les milieux numériques, on est en train de retrouver énormément ça parce que la création des outils numériques est un acte nécessaire à l'innovation et du coup pour générer d'autres perceptions. Et c'est vrai que ça n'a jamais été aussi accessible, aussi dynamique en termes de création au niveau numérique. Et donc du coup, on commence tout juste, mais c'est encore pas complètement admis dans les mœurs, de dire que quelqu'un qui programme, par exemple, peut être un artiste. À la base, le code, c'est un peu l'anti-artiste par excellence pour plein de choses, alors que au bout du compte, il part de zéro pour matérialiser sa pensée en créant un outil et après en faisant autre chose. Donc l'acte de création, il est plus que là, quoi. Donc voilà. Et justement, tout ce qu'on parle là depuis tout à l'heure, le langage est virtuel, de base. C'est l'illustration de la pensée. La pensée, on peut pas faire. Enfin, c'est la virtualité. Et c'est marrant parce que je pense que vous avez déjà dû aussi entendre ça, des gens qui vous disent « Ah mais arrête de jouer aux jeux vidéo, joue à des vrais jeux » ou « Non mais toi tu communiques avec des gens par internet, mais ça c'est du virtuel, moi je suis dans le réel, moi je peux pas utiliser ces choses-là. C'est des... juste des incompréhensions de génération ou de culture. Mais justement, l'opposé de réel, c'est fiction, c'est pas virtuel. C'est quand même hyper important. La virtualité, elle est réelle. Elle fait, il y a pas de différence. La réalité se nourrit de la virtualité et la virtualité se nourrit de la réalité. Après, même, qu'est-ce que la réalité? Il y en a d'autres qui débattent même sur la question de la réalité. Mais en effet, le lien entre le virtuel et le réel, c'est une histoire intrinsèquement liée qui peut pas se dissocier. Donc opposer virtuel et réel, c'est une aberration en soi. Tout à l'heure, tu as dit que l'artiste est souvent opposé à la connaissance de ses outils, etc. Mais c'est pas fondamentalement vrai, parce qu'on a des artistes qui ont, par exemple, une connaissance des corps qui représentent qui est assez folle, ou même certains artistes qui vont mêler vraiment la technologie avec leur art. On voit ça avec la robotique, et qui vont vraiment connaître finalement leurs outils sur le bout des doigts, ou même en utilisant, en ayant des recherches plastiques avec différentes couleurs. Donc, en fait, je vois pas vraiment en quoi tu vois en fait cette sorte de romantisme dans l'ignorance et cette beauté à créer de manière insouciante. Alors, je suis complètement d'accord avec toi déjà pour commencer. Au niveau et là, t'as illustré tes propos par de la robotique, par des choses qui sont de l'ordre de l'innovation très récente. Malgré tout, dans les grands artistes, en effet, comme David, comme Léonard de Vinci, etc. Clairement, la technique et l'artistique n'a pas toujours été un clivage brut, comme quoi il ne faut pas être technicien pour être artiste. Malgré tout, c'est vrai que quand on regarde, si par exemple enfin la virtualité de l'art, typiquement quand il y a le mec qui nous explique pourquoi son tableau blanc, qu'est-ce que ça nous évoque derrière. Là, du coup, on est sur de la rhétorique et l'aspect technique n'a pas d'importance. Il y a toute une mouvance de l'art que je dénigre pas, mais qui est sur l'utilisation de l'outil et non pas sur sa compréhension. C'est différents axes et manières de s'exprimer. Il y a des arts qui sont créateurs d'outils et des artistes. Il y a des artistes qui sont sur l'utilisation et voire le détournement d'outils déjà créés. Ouais, je voulais juste citer l'exemple de Jason Pollock. C'est le peintre qui peint par automatisme. Donc c'est exactement ce que vous voulez dire, ne pas comprendre, juste agir en tant qu'artiste. Il y a des artistes qui font ça, mais après il y a d'autres artistes. Moi, je suis un bassiste scientifique, donc il y a d'autres artistes qui aiment comprendre tout ce qu'ils font de A à Z et pourquoi ça obtient ce résultat-là. Les mecs qui font du monochrome, par exemple, et c'est des trucs super techniques, le monochrome. C'est en fonction du pigment au centimètre carré. Ben. Les mecs, ils vont loin. Il y a des mecs qui vont loin. En fait, ce que tu veux dire, c'est que les gens ne réfléchissent pas. Moi, personnellement, je n'opposerais pas la compréhension à l'art. Mais après, ça dépend de... Essayer d'expliquer les artistes, ça sert à rien. Tu vois, c'est... En fait, un artiste, c'est complexe parce qu'un artiste, tout dépend de tout le monde est artiste. Mais bon, on parlait des peintres, on peut parler d'artistes, de gens qui chantent, de gens qui font de la prod ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense qu'un artiste, il slash, c'est-à-dire que on va dire, c'est un petit peu son vécu, c'est un petit peu ce qui en fait, ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il lâche dans ce qui... Donc je pense que c'est... Voilà, c'est un langage. Mais c'est une libération en utilisant son langage. Voilà, par exemple, il y a des gens qui vont aller frapper des gens dans la rue parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Mais il y en a qui vont contrôler ça, mais qui vont mettre ça dans l'art qui... En fait, les arts martiaux. En fait, qui contrôle. Voilà, exactement. En fait, c'est un don. Bah, c'est pas un don, non. Tout le monde l'a, ce don, mais il y en a qui le développent plus que d'autres. Ça, c'est un truc intéressant. C'est une petite parenthèse très rapide. Mais Édouard de Bono parlait de la pensée divergente. La pensée divergente, c'est nécessaire à la création. Ça ne veut pas dire que c'est synonyme. Par exemple, ils ont fait un test sur l'utilisation d'un trombone. Les génies de la pensée divergente devaient trouver 250 ou plus utilisations d'un trombone. Ils ont fait l'expérience sur, au départ, des enfants de, si je me trompe pas, de 3 à 5 ans. Vous diriez combien de pourcentage d'enfants étaient génies de la pensée divergente? Il y en avait 98%. Ouais. Mais pour ça, il fallait dire, mais le trombone, est-ce qu'il est en mousse? Quelle taille il fait? Etc, etc. Donc remettre en cause la perception de ce qu'on a pour savoir ce qu'on peut en faire. L'étude, elle s'est étalée sur le long terme. Les mêmes enfants ont été étudiés, je sais plus, 5 ou 10 ans plus tard. 5 ou 10 ans plus tard, ils sont arrivés à 48%. Les mêmes enfants. Jusqu'à, je sais plus quel âge, j'ai plus les chiffres là en tête, hein, j'avais pas prévu de parler de ça. Mais, en gros, à 17 ans, ils arrivent à, 5 ou un truc comme ça. 5%. Entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses, mais on a eu aussi un bon formatage de l'éducation qui était la réponse est derrière, mais surtout ne regarde pas, c'est de la triche. Travaille pas avec ton voisin parce que sinon ça s'appelle copier, c'est pas bien. Remets surtout pas en cause la réponse parce que de toute façon c'est comme ça et ferme ta gueule. Donc c'est vrai qu'on a ce truc de centralisation de la pensée unique. Bref. Oui, non, mais de penser tous pareil et d'enlever la divergence. Même si tout le monde pense pareil, je pense que tout le monde, à un moment donné, quand il rentre chez lui, il est chez lui, il a sa pensée unique. Oui. Elle est quand même structurellement influencée par la manière dont tu as appris le langage historique, le langage cinématographique, enfin toute forme de langage est structurelle sur ta pensée. Donc du coup, quelque part, même si chacun, en effet, a son individualité de pensée, elle est quand même structurée par l'ensemble des éducations de langage et ceux qu'on utilise le plus, en fait. Donc du coup, c'est assez rigolo, mais les gens, en général, d'ailleurs, qui ont, je sais pas moi, qui font de la peinture, vont en généralement bien s'entendre ou bien communiquer avec les gens qui font de la peinture. Les gens qui font de la musique vont en général mieux s'entendre et mieux se comprendre parce qu'ils ont un langage et du coup un héritage structurel de leur pensée et qui est commune. Et du coup, là, on parle pas du contenu, on parle du contenant. Et c'est ça, moi, sur lequel je voulais mettre un point. C'est que on parle énormément de valeurs, et là à Nuit Debout on parle énormément de valeurs, alors que au bout du compte, enfin pour moi, après ça n'engage que moi, c'est qu'un jeu de domiciance de l'évolution structurelle des langages, et qui derrière nous amène, et le fait de parler, c'est une manière de comprendre, d'apprendre à utiliser ces langages, etc., et d'être dans l'échec permanent pour justement comprendre comment ça marche. Juste pour si vous voulez, je peux m'arrêter là. Sinon, j'ai une autre progression sur ce sujet. En fait, non seulement il y a eu une révolution pour moi au niveau de la structure du langage par rapport au langage orienté objet, mais il y a aussi là une autre révolution qui pour moi est fondamentale, c'est le retour à l'échelle humaine. Alors je vais réexpliquer pour ce que c'est pour moi, c'est-à-dire le retour au sens, à nos sens connectés en temps réel. L'échelle humaine, au bout du compte, c'est parler, interagir avec quelqu'un, voire même le toucher, justement que la mise en face de la réalité avec la virtualité, en temps réel. C'est la notion de temps réel qui est hyper importante. Et donc, du coup, on avait connecté nos sens, un de nos sens au niveau temps réel qui a révolutionné la planète, c'était le téléphone, où là, on pouvait, donc je dis bien connecter, hein, donc ça veut dire interagir en temps réel. Parce qu'en effet, la télé, on voit en temps réel, mais il n'y a pas d'interaction, donc c'est encore un autre délire. Mais avec le téléphone, on a connecté deux cerveaux via un sens en temps réel. Ce qui fait que derrière, on avait une possibilité de guider la motricité de l'un et de l'autre à distance. Tout le monde l'a fait pour guider quelqu'un pour arriver chez soi. Tu tournes à droite, puis tu tournes à gauche. Ah non, mais qu'est-ce que tu vois? Et du coup, on déporte notre cerveau. Enfin, la personne utilise le cerveau du voisin pour se guider et du coup pour utiliser l'intelligence, la mutualiser les cerveaux. Tout le monde, je pense, a joué à Qui veut gagner des millions, et tout le monde a été devant son poste en disant putain, j'ai la réponse, c'est moi qui aurais dû être l'ami. Et ça, à l'heure actuelle, là typiquement il y a Periscope qui est à côté là. Periscope, c'est aussi pour moi en tout cas une révolution majeure, parce que là on commence à mutualiser nos yeux en temps réel avec une interaction texte où, et pour avoir fait l'expérience, merde, j'ai plus de batterie, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Et là, bam, il y a une batterie qui arrive. Ah les gars, j'ai froid, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'amener des gants? Bam, il y a des gants. Et en fait là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça révolutionne toute notre structure d'organisation, parce que jusqu'ici on a atomisé les gens sur des tâches précises où on t'a dit bon, alors on a le droit d'apprendre de 5 ans à 15 voire 30 pour certains, selon ceux entre guillemets qui ont de la chance ou pas. Bon, par contre, après, si tu veux continuer d'apprendre, tu vas galérer, c'est pas fait pour, et tu vas le payer cher. Donc voilà, en gros, cette fossilisation du savoir, et le fait que quand on arrive dans le monde du travail, enfin quand on est sorti en tout cas du cursus d'apprentissage, on se retrouve atomisé sur une tâche avec un seul cerveau pour à la base, résoudre un problème. Alors après, on appelle les potes au bout d'un moment quand on est en galère, si le climat le permet, mais le climat le permet pas toujours. Comment ? Ah, ok. Et là, du coup, et alors c'est sûr que ça va faire peur à beaucoup, hein, mais avec les Google Glass, enfin avec les lunettes connectées et Periscope, imaginons qu'on a un problème. Bah là, en direct, on peut avoir des tonnes de personnes qui nous donnent des réponses en permanence. Donc, et en plus, surtout, contrairement au téléphone, qui ont un retour temps réel de notre vision et du coup qui peuvent nous guider, etc. Ce qui fait que ça transpose les organes d'éducation au tout le temps. Et du coup, structurellement, ça fait un sacré changement de société énorme. Parce que on n'est plus sur l'institutionnalisation, parce que avant on n'avait pas le choix. Avant, c'est pas que les gens étaient cons, c'est juste parce qu'on n'avait pas le choix techniquement. Quand il fallait qu'il y ait un mec qui parle à notre place et qu'on devait faire autre chose, il fallait bien des représentants. Là, à l'heure actuelle, si jamais chaque député avait un périscope dans les yeux et tout le monde qui était connecté derrière et que le mec du coup était un réel porte-voix. Mais du coup, une interface physique qui dit en temps réel ce que les gens ont derrière voient, et du coup aussi en termes de check derrière, le mec il peut plus dire de conneries. En tout cas, s'il est dit, il est fiché. Ça change énormément de choses. Donc voilà. Ouais, je vais juste poser une question. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que vous pensez en fait des cartes fidélité qu'on vous propose dans les magasins? Les cartes fidélité, c'est du fichage. Après, par rapport au big data, après, comme tout, hein, il y a un moment où l'évolution, de toute façon, qu'on le veuille ou non, elle va se faire avec ou sans notre accord. Le big data, ça terrorise parce que on a tous encore le fantôme bien concret de la Seconde Guerre mondiale, du fichage, etc., et de comment ça peut être utilisé au niveau des guerres, et même là encore à l'heure actuelle, hein, à fond. Maintenant, ça a aussi des bénéfices énormes en termes de compréhension des besoins, en termes de facilitation de notre quotidien. D'ailleurs, sinon les gens ils l'utiliseraient pas du tout, quoi. C'est vrai que ça peut être hyper paranoïaque de voir une pub alors que juste on y a pensé, on a eu l'impression d'avoir que y penser et que la pub elle arrive en direct. Alors c'est sûr que ça peut faire peur. En même temps, c'est cool aussi. Tout dépend des organes derrière, de comment c'est fait, etc. Ça amène d'autres questions. Je suis pas en train de dire qu'on est dans un pays merveilleux, etc. Mais par contre, l'outil en lui-même a des attraits clairs et qui nous permettent de collaborer, d'avoir de la réactivité, d'avoir de l'analytique aussi par rapport aux mouvances des gens, par rapport aux besoins des gens, par rapport aux actions des gens. Et c'est vrai que quel meilleur témoin, pour moi même encore plus qu'un vote, que de voir vers quoi l'humanité tend pour la facilité. Après, en effet, la privation des big data, etc., il y a énormément de choses à faire. Mais de toute façon, moi je pense que la révolution n'existe pas. Ce n'est qu'une prise de conscience forcée de l'évolution. Parce que si jamais il y a révolution, ça sous-entendrait que l'évolution s'est arrêtée. L'évolution ne s'arrête pas. Par contre, la prise de conscience ou le frein à main par la peur qu'on a de l'évolution, à un moment peut sauter, à certains moments, ou est obligé de sauter, et du coup il y a un effet ressort. Mais voilà, c'est un peu. Et je vais clore là-dessus. Ce qui est intéressant, justement, c'est cet aspect de résilience. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que la résilience. Au niveau de la nature, la nature de parfaite est sur un modèle de résilience. Si on met un barrage devant de l'eau, L'eau, elle va d'abord passer à gauche, puis à droite, et puis après, elle va infiltrer, etc. Elle ne va pas être en opposition. Et là où c'est intéressant, justement, et où je pense que Internet nous montre aussi une résilience réelle, c'est que Linux, par exemple, tout le monde pensait que c'était un épiphénomène. À l'heure actuelle, c'est 95% des serveurs mondiaux. Donc c'est quand même plus trop un épiphénomène, même si on utilise beaucoup Windows et Mac. Pourquoi ça a eu autant d'essor? Tout simplement parce que c'était pertinent et que ça s'est pas mis en opposition. Linux n'a jamais été en opposition avec Windows, il a juste été plus pertinent. Et du coup, au lieu de la politique du non, on a la politique du mieux, la politique du pertinent, du à l'image d'eux. Et là, du coup, on génère des alternatives, et ces alternatives sur la longueur. Alors, en effet, c'est pas une baguette magique, hein, mais c'est vrai qu'on a été élevé à penser qu'en votant, on allait faire une baguette magique qui allait changer le truc, ou alors en cassant tout, ça allait être magique, après ça allait être mieux. Bon, bah, l'évolution, ça prend du temps. Mais du coup, voilà, cet aspect de résilience au niveau d'Internet, là par exemple, au niveau de Periscope, ça a été le cas aussi. Il y a eu énormément de coupures dans les replays de Periscope. Alors, est-ce que c'est de la censure? Est-ce que c'est pas de la censure? C'est toujours difficile à dire. En tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de périodes des Periscopes qui ont sauté. Pas mal de moments tangibles de débordements qui ont sauté. Et ben voilà, la résilience aussi, grâce à ces nouveaux langages, c'est de pouvoir créer des programmes qui rec, ce qui est le cas là, à l'heure actuelle, les périscopes en périphérie, et du coup régénérer nous-mêmes nos replays et du coup contourner la centralisation. Et c'est ça qui est magique avec ce nouveau monde virtuel. C'est que on aura beau mettre tous les locks possibles et imaginables, structurellement, c'est qu'une histoire de temps, on arrivera tous à les faire sauter, quoi. Donc on a déjà gagné d'avance, c'est quand même ça la bonne nouvelle. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, et puis si vous avez des questions, voilà, je vous donne le micro. Je voulais juste te demander, du coup, t'as parlé de Periscope et comme quoi, même avec les Google Glass, en mettant sur nos représentants, etc. Mais du coup, tu tues complètement la notion de représentant, c'est-à-dire limite s'auto-diriger. Parce que, mis à part la présence physique, en fait, ce serait... Mais du coup, le problème serait pour la prise de parole. Je veux dire, à quel moment tu donnes la parole à qui si tu pars sur un système Alors, en effet, par rapport à la manière d'organiser, du coup, les organisations... Alors, peut-être que vous avez entendu parler, il y a l'holacracy, qui est un nouveau modèle de management qui est apparu il y a à peu près 6 ans en Californie. Paradoxalement, en France, on est avec les États-Unis les précurseurs de ces structures-là, les plus dynamiques sur les systèmes holacratiques. Alors l'holacracy, c'est bien et c'est pas bien, parce que c'est privé, donc déjà c'est pas bien. C'est extrêmement ciblé sur des entreprises capitalistes pures. Donc ça, bon voilà, ça remet pas tout en question. Ce qui est intéressant par contre, c'est que ils signent une constitution. Quand une société veut se mettre en holacracy, le boss signe la constitution. Et du coup, en fait, c'est des cercles croisés à l'image justement des systèmes d'héritage et de ce qu'on parlait. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une horizontalité et c'est pas une verticalité non plus. C'est-à-dire que, dites que les programmes, la verticalité est encapsulée. Mais il faudrait que je vous fasse des schémas pour vous expliquer ça proprement, si ça vous intéresse. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a des champs de compétences. On a des champs de compétences. Donc, admettons, je sais pas, on va prendre un exemple. Bon, allez, moi, je connais bien les films, donc on va se faire les films. Donc, par exemple, on a Le film, lui, qui a besoin d'une personne pour faire, j'en sais rien moi, la sculpture de ce qu'il y a à faire, puis la personne qui va faire l'animation, c'est ces deux personnes dans l'ancien système seraient avant d'être des gens, des dirigeants. C'est-à-dire que le premier truc quand on arrive quelque part, c'est on est le dirigeant, et puis les autres derrière, ça doit être des sous-fifres. Alors là, ça va pas se passer de la même manière. C'est-à-dire que on va avoir, admettons que ça c'est le film. Sur le film, par exemple, on a plusieurs séquences. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là, qui est par exemple la personne qui va faire les sculptures, va être, par exemple, référente de la sculpture sur la séquence 1, mais va aller travailler aussi sur les autres. Ce qui veut dire que les autres sculpteurs, si donc on va se dire S2, S3, S4, lui par exemple, donc on va dire lui, il est responsable de la séquence là, mais il bosse sur les autres. Celui-là, admettons, il va être responsable sur la séquence 2, mais il va bosser sur les autres, ce qui fait que le sculpteur 1, bah, un coup va être le boss du sculpteur 2, et un coup, il va plus l'être, en fait. Parce que, en fait, du coup, ça fait des cercles croisés de responsabilité. En fait, le schéma, globalement, il devient comme ça, en fait. Et du coup, on peut avoir, en fait, l'encapsulation cellulaire des responsabilités. Ça veut pas dire que c'est pas l'anarchie. Ça veut juste dire que là, tout le monde mange, mais surtout tout le monde contrôle à son ampleur quelque chose. Ce qui veut dire que, en termes de guerre d'ego, moi, c'est ce qui m'a choqué. Par exemple, je suis arrivé dans une boîte qui marchait comme ça. Et là, le premier jour, je vois le mec en train de dire au boss, qui était en plus le réalisateur et le superviseur anime, ton idée, c'est de la merde. Je me suis dit, le gars, il va pas rester longtemps. Et là, j'ai vu un truc incroyable, où le mec, il arrivait, ok, mon idée, c'est de la merde, alors on va appeler le référent de la séquence au niveau de l'anime, on va appeler le référent bidule, le référent machin. En fait, ils se sont démerdés de manière à ce que tous les cercles croisés soient impairs. Au niveau du nombre de personnes. Et donc, du coup, ça s'est fait au vote. Il s'avère que l'idée, c'était de la merde. Et en fait, du coup, ce qui était intéressant, c'est que, du coup, tout le monde est au service du film. Et là, en termes de qualité derrière, c'est incomparable. Et en termes d'ego, c'est hyper intéressant parce que tu vas parler avec quelqu'un, mais juste après, ça va être ton boss. Donc, en fait, tu vas pas le traiter comme de la merde aussi. Du coup, y a un rapport au niveau des cercles croisés, des responsabilités. qui change de paradigme et qui est intéressant. Donc ça pour je le marque. J'adhère absolument pas sur tout le concept, mais en tout cas ça a le mérite déjà d'avoir des gens qui bossent dessus. L'holacratie et bon, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est dans l'air du temps. Et ça, c'est déjà un bon témoignage de la prise de conscience de notre évolution structurelle. Et même là, au niveau de comment ça s'organise, au niveau des Nuits Debout, on est vachement sur des modèles de plus en plus. Au départ, on était hyper centré en disant, c'est le site internet, le responsable machin, il faut qu'il y ait une seule commission pour chaque truc, etc. On se voit que dans l'évolution du mouvement, et ben maintenant, commission démocratie, il y a plusieurs commissions constitution, il y a même bientôt plusieurs accueils. Et en fait, c'est intéressant parce que la divergence crée la liberté d'entreprendre. Et derrière, du coup, on se retrouve à avoir des gens qui font les liens et qui font de la capitalisation et de l'analytique pour aider les initiatives individuelles. Et donc, du coup, au lieu d'être dans le contrôle répressif, on est dans l'accompagnement de l'initiative. Ce qui est, et on capitalise par l'analytique de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui n'est pas. ou qu'est-ce qu'il est moins, ou voilà. Mais du coup, on n'est plus dans le restrictif de la centralité. C'est vraiment la grosse différence entre le Minitel et Internet, hein, structurellement. Enfin bon, voilà. J'ai répondu à ta question un peu plus large, mais... Il y a quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question ? Quand est-ce qu'on mange ? Bientôt, j'espère. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Merci d'avoir été là, et puis voilà. Si vous voulez en discuter en aparté, c'est avec plaisir.